vue d'une mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listebout un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebout l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 28 mars 2020. Voici les grands titres de cette édition. Deux enfants sont morts et une autre personne blessée suite à la forte pluie qui s'est abattue hier sur la colline Gishingano de la commune Issare en province de Bujumbura, ayant provoqué l'effondrement d'une maison. C'est un reportage que vous suivrez dans ce journal. Et la circulation est grippée sur la route Bujumbura-Bugarama suite à l'éboulement d'une montagne au niveau de Gassozo en commune Mutimbuzi à cause de la forte pluie tombée la nuit dernière. Et une quarantaine de personnes venues du Rwanda sont confinées dans un hôtel de centre-ville, au centre-ville de Kayanza. Prévention contre le coronavirus oblige. Le gouverneur de la province Kayanza, Anissé Ndayizeye, prévient les services publics et privés contre des sanctions pour inobservance des mesures d'hygiène. Vous l'entendrez. Les quantités de sucre distribuées par la Sosumo sont constituées par ses propres productions ainsi que des importations du pays. Vous suivrez les explications du directeur général du commerce. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour, je venais de vous le dire, la société sucrière du Mossola Sosumo distribue du sucre en quantité suffisante, rassure le directeur général du commerce, qui précise que ces quantités sont constituées de la production de la Sosumo et des importations. Chrysologue Moutois souligne en outre que les distributions n'ont jamais été en deçà de 2500 tonnes mensuellement. Pour lui, certains opérateurs économiques font des spéculations autour du prix du sucre et le vendent à des prix exorbitants. Je peux vous rassurer que la Sosumo distribue du sucre en quantité suffisante parce que si on regarde même au niveau des données statistiques, parce que pour pouvoir rassurer ou dire ou confirmer que telle ou telle entreprise produit ou distribue tel produit en quantité suffisante, il faut quand même des données statistiques. Il faut une analyse des données statistiques. Si on regarde de par même les données de l'année 2019, depuis le début de l'année 2019, à ce jour, on a constaté que la Sosumo avait distribué à partir de janvier 2019 à janvier 2020 une quantité qui était en moyenne de 2500 à 2700 tonnes de sucre distribuées mensuellement. Et il n'y avait jamais eu de problème. Ce n'est que récemment, au mois de janvier, qu'il y a commencé à avoir des spéculations qui n'étaient pas dues à la diminution de la quantité distribuée. Non, loin de là. C'est plutôt dû à un esprit que je dirais malfaisant ou de ces opérateurs économiques qui ont toujours la part du gain. Ici, je vous dirais qu'il y a un prix qui est fixé par la Sosumo. La Sosumo s'est convenue avec les commerçants ou les grossistes qui viennent à la Sosumo. La Sosumo distribuait à un prix de 111 000 et quelques, et il était convenu que les distributeurs, qui sont les grossistes, devaient distribuer à moins de 115 000. Et alors, le prix final, calculé, que ce soit les bénéfices, que ce soit d'autres consommations fixes, ils étaient convenus que le prix du sucre au kilo était de 2400. Et ce n'est que brusquement qu'il a commencé à y avoir des spéculations autour des prix. Mais je vous dirais que les gens cachés, nous avons déjà constaté que c'était plutôt de ces opérateurs économiques qui cachaient le sucre, bien que la Sosumo leur ait déjà donné cette quantité de sucre à vendre. Selon toujours ce directeur général du commerce, la réhabilitation et l'extension de la Sosumo permettront à cette société de produire jusqu'à plus de 30 000 tonnes par an. Pour le moment, la capacité installée de la Sosumo est de 20 000 tonnes par an. Encore une fois, chrysologue Moutois. Il y a la production de la Sosumo plus les importations que la Sosumo fait. Les deux combinés, c'est ça que la Sosumo distribue à la population. Et les deux combinés, quand ils font ensemble, le sucre est amplement suffisant au niveau du marché. Il n'y a pas de problème au niveau de la quantité distribuée par la Sosumo. La Sosumo est consciente qu'au niveau de sa production, la production de sucre n'est pas suffisante. C'est pourquoi elle a un projet qui, je pense, il y a déjà eu des études, plusieurs études, où il était question de réhabiliter et l'extension. Vous savez que l'usine vient de faire plus de 30 ans. Il y a des machines ou bien des équipements qu'il faut renouveler. En réhabilitant et en faisant des extensions, on produira plus. Et là, on n'aura plus besoin d'importer le supplément que la Sosumo importe. Isanganiro, la radio de l'avenir. Une montagne s'est éboulée sur la route Bujumbura-Bugarama, à 17 km de Bujumbura-Gassozo de la commune Mouvimbi suite aux pluies diluviennes de la nuit dernière. Émile Ndayisaba, directeur général de l'agence routière du Burundi, dit que les travaux d'évacuation de la route sont en cours alors que les usagers de cette route se rabattent sur la route Bujumbura-Ijenda, dont le pont s'est écroulé au niveau de Moussaga, précise qu'une autre déviation a été prévue en attendant la réhabilitation de ce pont. Suivez-le au téléphone avec Elinibel Nibigira. Au cours de cette nuit, il y a une pluie qui est tombée, donc il y a une montagne qui s'est éboulée sur la route Bugarama-Bujumbura. C'est le PK, piquet kilométrique 17. Concernant le dégagement, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Après avoir observé cette situation, nous avons dépêché des anges pour qu'ils puissent quand même évacuer ces éboulements. Mais pour le moment où nous sommes en train de parler, les anges sont en train d'évacuer ces éboulements. Nous espérons que d'ici peu de temps, la route sera praticable. Nous utilisons les anges, il y a les anges, les DPR, mais nous avons emprunté auprès du ministère de la Défense qu'ils puissent quand même nous aider en se servant de les anges et qui disposent des anges très efficaces pour les évacuations des éboulements. Les travaux de dégagement vont prendre combien de temps? Nous espérons que dans 3 heures, la route sera praticable. Les usagers de cette route passent par la RN7 qui n'est pas également en bon état pour le moment. Sur la RN7, on a prévu une déviation afin que le véhicule ne puisse quand même passer sur le pont de la RN7, le pont Moussaga. Donc la déviation était en cours et nous pensons que demain ou après demain, la déviation sera praticable et cette route sera bloquée à partir de Zopo de Moussaga afin que les véhicules puissent s'apprêter cette déviation que nous avons tracée. Zopo se trouve parmi les autres ponts qui sont détruits, mais les moyens financiers sont à recherche auprès de notre ministère. Peut-être que dès que les moyens seront disponibles, on va entamer les travaux de réhabilitation de ces ponts qui sont détruits. Et 42 personnes étaient confinées dans un hôtel au centre-ville de la province Kayanza jusqu'à ce vendredi. Le gouverneur de cette province dit qu'il s'agit de personnes qui sont venues du Rwanda ou des autres pays où la pandémie de coronavirus s'est déjà déclarée. Dans le cadre de la prévention de cette pandémie, Anissa Ndayizeye dit que l'administration a imposé à tous les services publics et privés d'observer rigoureusement les mesures d'hygiène, à défaut de quoi des sanctions seront prises contre les récalcitrants. On l'écoute. Depuis l'apparition de cette pandémie, plusieurs mesures ont été prises de sensibiliser la population, plus particulièrement ce qui est de l'hygiène. Ils ont sensibilisé la population qui est dans les lieux où se rencontrent plusieurs personnes, qu'on y met des objets pour se laver les mains et d'éviter de se saluer. De notre côté, depuis la mise en place de ces mesures, nous avons sensibilisé dans tous les bureaux et nous avons pris des décisions que si ceux qui ne vont pas respecter ces mesures, dès ce mardi passé, nous allons fermer ces bureaux et qu'on va fermer les magasins et même dans les autres lieux où on ne trouvera pas ces objets comme de l'eau et du savon. On procédera à la fermeture pour se prévenir. En dehors de cela, notre province est frontalière avec le Rwanda. Depuis que nous avons appris la présence de cette pandémie au Rwanda, nous avons décidé de fermer la frontière avec le Rwanda dans la commune Kabarore. Les habitants de cette commune ont leur famille là-bas et les Rwandais qui ont leur famille au Burundi. Ça ne nous facilite pas car même des fraudes entrent à partir de là, mais pour le moment, nous voyons que ceux qui viennent avec les fraudes peuvent entrer avec cette pandémie et nous avons jugé bon la fermeture en ce qui est de sensibilisation des citoyens à ne pas se saluer en se serrant la main. Nous l'avons fait, mais nous voulons vous dire que les Burundais sont difficiles car il y a ceux qui n'ont pas encore jusqu'à présent compris ce qui est un problème pour pour nous de changer un comportement de quelqu'un, mais nous allons continuer à les sensibiliser. En dehors de tout cela, les défis existent ici à Kayanza, là où il y a ceux qui sont en quarantaine, en provenance du Rwanda ou ailleurs, venant dans leur véhicule. À ce moment où je vous parle, il y a 42 qui sont mis en quarantaine dans un hôtel Wishinza. Ces gens-là, ce n'est pas facile pour nous de les gérer, car ils sont nombreux, 42 personnes qui doivent être nourries, et on va signaler les agents de la santé s'ils seront mis en quarantaine ou pas, et tout cela après le constat des médecins. Le gouverneur de la province Kayanza, Anissé Hindaizeye, traduit par Jean-Marie Mayonga. Deux enfants d'une même famille sont morts et une autre personne blessée suite aux fortes pluies qui se sont abattues hier sur la colline Gishingano de la commune Isare en province Bujumbura et ayant provoqué l'effondrement d'une maison. Pascal Nshimirimana, mère de ses enfants, demande aux bienfaiteurs de lui venir en aide. Le chef de colline adjoint de la colline Gishingano fait savoir qu'ils sont en train de mobiliser les moyens de réhabiliter cette maison. Jean-Marie Nakarutimana lance un appel à ceux qui érigent des maisons dans la localité de Gishingano de creuser des puits près de leur maison. Reportage Aimé Richard Niongourou. Nous sommes sur la colline Gishingano de la commune Isare en province Bujumbura où deux enfants sont morts et une autre personne blessée suite aux fortes pluies de ce vendredi qui se sont abattues sur cette localité. Pascal Nshimirimana, mère de ses enfants, nous explique le déroulement de cette scène. J'ai préparé la nourriture. Après avoir mangé, nous sommes allés dormir. Après quelques minutes, le mur nous est tombé dessus. Nos voisins sont venus à notre secours. Ils ont commencé par moi, puis ils se sont rendus dans la chambre des enfants, ils les ont trouvés morts. Cette dernière demande au bienfaiteur de lui venir en aide, expliquant qu'elle n'a pas de moyens du fait qu'elle est veuve. Le chef de colline adjoint de la colline Gishingano indique qu'ils sont en train de mobiliser les fonds pour réhabiliter cette maison emportée tout en demandant à ceux qui construisent les maisons à Gishingano de creuser des puisards près de leur maison. Le voisin de la victime rencontré sur place demande au gouvernement de multiplier les courbes de niveau dans le but de lutter contre les inondations. À part ces enfants morts, ces pluies ont emporté trois maisons et beaucoup des champs ont été endommagés. Aimé Richard Niongourou. Et le parti CNL se dit préoccupé par les décisions de la Commission électorale nationale indépendante. Dans une déclaration de cette formation politique rendue publique ce samedi, l'on donne l'exemple des démembrements de la CENI au niveau provincial et communal ayant refusé d'accueillir les mandataires présentés par les responsables du parti CNL. Terence Manirambona, porte-parole de ce parti, demande à la CENI de revoir sa manière de travailler. À moins de deux mois discuté de mai 2020, le parti CNL se prépare sérieusement aux élections de 2020, mais ces préparatifs se heurtent à de terribles entraves dont certaines émanent malheureusement de la Commission nationale électorale indépendante elle-même. La CENI et ses démembrements prennent souvent des décisions qui surprennent le parti CNL en ce sens qu'elles viennent contredire ce qui se convient dans les réunions tenues par la CENI elle-même et surtout qu'elles violent certains articles du code électoral. En guise d'exemple, l'article 41 du code électoral, en ses alinéas 1 et 2, ne distingue pas les candidats aux échéances électorales et les non-candidats pour être mandataires et leur donne le droit de contrôler l'ensemble des opérations de vote. Ainsi, la CENI a imposé à ce que ceux qui se sont fait élire n'assument pas le rôle de mandataire, alors que cela n'est nulle part interdit par le code électoral. Un autre exemple est celui de certains administratifs qui forcent les membres du parti CNL à écrire des lettres pour se désister des listes électorales déjà déposées au CEPI. Ici, il faut citer le cas de l'administrateur de la commune de Mumba, qui a même osé mettre le cachet sur la fameuse lettre de désistement. La même situation s'est aussi produite en commune de Buraza, de la province de Gitega. Il s'agit de dénoncer le cas de violation du secret professionnel qui se pratique au sein de certains CEPI du pays. En effet, l'on constate que les listes que le parti CNL a déposées dans ces différentes CEPI sont divulguées. Il s'ensuit que ceux qui se trouvent sur ces listes sont traqués. Et sur ce, la rédaction de la radio Isanganiro a contacté la Commission nationale électorale, la Commission électorale nationale indépendante, dont le porte-parole Le chargé de la communication, Philippe Nzobonariba, à cette commission qui nous a dit qu'il a des directives pour ne pas entrer dans des polémiques des partis politiques. De plus, ajoute-t-il, des réunions sont organisées régulièrement avec toutes les parties prenantes au processus électoral, dont les politiques. Et en bref, les cultivateurs de maïs en province Cibitoke ont bien accueilli la disponibilité des sacs et bidons en plastique achetés au PAM pour un bon stockage de la production du maïs. Ceci a permis de ne pas se précipiter à écouler leur production sur les marchés à de bas prix. Au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, on indique que ces bidons et sacs ont facilité ce stockage et que même un autre produit est disponible pour le même usage. Et le gouverneur de la province Rumonge demande aux Burundais désirant regagner leur terre natale en passant par le port commercial de Rumonge d'attendre l'aménagement d'un centre de confinement. C'est au moment où les 146 Burundais rentrés de la République démocratique du Congo ce lundi restent rassemblés au Sémina. Dans la même logique, les pêcheurs burundais sont sommés de ne pas fréquenter les eaux congolaises et tanzaniennes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais avant de le terminer, on parle du coronavirus chez nos voisins du Congo. Alors que Kinshasa compte plus de 50 malades du coronavirus à Lubumbashi, la situation de deux premiers cas suspects suscite une polémique. Certaines ONG de défense des droits de l'homme indiquent que les deux cas suspects auraient été forcés de quitter Lubumbashi, alors que l'Institut national de recherche biomédicale basé à Kinshasa, les a finalement déclarés négatifs au coronavirus. Je rappelle les grands titres avant de nous séparer. Deux enfants sont morts et une autre personne blessée suite à la forte pluie qui s'est abattue hier sur la colline Gishingano de la commune Isare en province de Bujumbura et a provoqué l'effondrement d'une maison. Et la circulation est grippée sur la route Bujumbura-Bugarama suite à l'éboulement d'une montagne au niveau de Gasozo en commune Mutimbuzi à cause de la forte pluie tombée la nuit dernière. Une quarantaine de personnes venues du Rwanda sont confinées dans un hôtel au centre-ville de Kayanza. Prévention contre le coronavirus oblige. Le gouverneur de Kayanza, Anisenda Izeye, prévient les services publics et privés contre des sanctions pour inobservance des mesures d'hygiène. Et les quantités de sucre distribuées par la Sosumo sont constituées par sa propre production ainsi que des importations supplémentaires. Vous l'avez suivi de la part du directeur général du commerce, Chrysologue Moutois. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. On ne se sépare pas comme je le disais tantôt, on reste ensemble. Et c'est pour la revue de presse. Mireille Kanyange me rejoint dans ce studio. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous captez. Prévention contre le coronavirus dans les écoles, la promiscuité sape les efforts. C'est le constat de la voix de l'enseignant qui donne une série d'exemples. Dans plusieurs écoles du pays, les élèves s'asseyent à trois sur le même banc pupitre. Ils se bousculent dans les lieux d'aisance qui sont un nombre insuffisant. Les cours de récréation ne sont pas suffisamment spacieuses pour permettre aux élèves de garder une certaine distance entre eux. À l'internat, c'est la vie en symbiose totale. Les élèves se partagent tout et se côtoient partout. Ils dorment à deux sur un lit de 90 cm et se couvrent d'un même drap. Au réfectoire, ils mangent à 10 dans un même plat. Ils se prêtent les habits, le savon, l'essuie-main, les dentifrices, etc. Pour cet hebdomadaire, ces conditions rendent difficile la mise en application des recommandations des professionnels de la santé relatives à la prévention de la contamination du coronavirus. et son confrère Demetre des réserves puisque, pour lui, même s'il est responsable des écoles, essaie de mettre en application ses recommandations et continue de sensibiliser leurs éduqués à observer les règles d'hygiène, ils ne sont pas totalement confiants de réussir facilement à barrer la route à cette pandémie suite à la promiscuité des élèves en classe et à l'internat. Burundi Echo, comme d'ailleurs les autres journaux, rappelle que cette pandémie de coronavirus se propage à travers le monde entier et qu'aucun pays n'est à l'abri. Pour ce confrère, parallèlement aux mesures drastiques prises pour limiter la propagation du virus, les dirigeants doivent faire face à un défi de taille, à savoir la désinformation. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, alerte sur la diffusion des fausses informations sur le traitement de la maladie liée au virus à couronne. L'OMS écrit toujours Burundi Echo, qualifie la prolifération des fausses nouvelles au sujet du Covid-19 d'infodémie. Ainsi, écrit Burundi Echo, les autorités sont appelées à communiquer régulièrement sur cette pandémie. Cela pour éviter que les informations sorties de leur contexte, les interprétations subjectives prennent de l'ampleur. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse, elle, revient sur la campagne de lutte contre cette pandémie initiée par l'Assemblée législative des pays de l'Afrique de l'Est, EALA, sous le thème « Créer la prise de conscience et évaluer le degré de préparation dans le combat contre le Covid-19 dans la région de la communauté est-africaine EAC ». Cette activité, rapporte la BP, sera réalisée en deux phases. La première phase concerne les visites et les interactions avec les différents intervenants dans le suivi de l'observance des mesures prises par les autorités sanitaires et les autres institutions. Dans la seconde phase, poursuit la BP, les députés évalueront sur terrain le degré d'information, de connaissance et de prise de conscience publique au sein de la population et de la capacité opérationnelle des services de santé. Et en une de sa apparition de vendredi, le journal Iwachu écrit sans détour que la menace plane malgré tout. Cette alerte revient en écho dans la conclusion de l'éditorial de cet hebdomadaire qui constate que pour le moment, les Burundais, nous retenons notre souffle. Et sans paniquer, écrit toujours Iwachu, il semble que les Burundais doivent changer de comportement. Certes, des mesures de protection et d'hygiène préventive recommandées par le gouvernement commencent à être observées et respectées, notamment le lavage régulier des mains, mais hélas, s'interroge notre confrère, quid du partage du chalumeau à l'intérieur du pays ou pendant les cérémonies traditionnelles, même à Bujumbura, de la bouteille de bière au goulot que l'on s'échange allègrement, de cette cigarette roulée qui passe amicalement d'une bouche à l'autre. Malgré ces inquiétudes, cet hebdomadaire donne une mention spéciale aux gestionnaires des parkings de bus à Bujumbura qui ont fait un gros effort. Les clients sont priés de se laver les mains avec du savon avant d'entrer dans le bus. Il y a même une sorte d'agent chargé de rappeler cette règle aux récalcitrants qui semblent négliger ou ignorer la consigne, fait remarquer le journal Iwachu. Et face à la menace du Covid-19, Iwachu a également rencontré Martin Manirakiza, médecin infectiologue à l'hôpital Roi Khaled, qui dans une longue interview donne des éclairages sur cette problématique et appelle les Burundais à une vigilance accrue. Le journal en ligne Net Press rapporte lui aussi la remarque de l'opinion qui pense qu'une fois le coronavirus en place à l'intérieur du périmètre national, les vieilles habitudes de salutation et la tradition de communication de bouche à oreille feront le prix de cette inconscience d'un peuple si émotionnel qui risque de contribuer inconsciemment à sa propre extermination. Et c'est la fin de cette revue de presse exclusivement consacrée à la pandémie du coronavirus qui fait la une des journaux dans le monde. À la présentation, Mireille Kanyange et Jean Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.